dans la prochaine édition d'Assemblage requis. On parle des Francophonies qui débutent le 8 juin. Il y aura aussi des choses geeks dans la chronique CNX et des faits inutiles à partager autour de la piscine. Sans oublier les sorties d'albums de la semaine, entre autres le nouvel album de Hot Hot Heat. Assemblage requis, jeudi 15h ou samedi 16h.